On va parler d'Hockey avec la chronique de notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo! Salut! Hugo, votre ronde novice, ça va super bien. Oui, hier soir, là, justement, on a eu une première rencontre officielle là, sur notre tournoi Navis Atome. Puis on a été là, hier en mesure là, de voir là, que on allait avoir. Là, on a déjà trois catégories, donc Novice A, Novice B, puis Atome B, où est-ce que. On est complet, là, c'est-à-dire qu'on a 36 équipes, 12 équipes par catégorie. Okay. Donc, c'est quand même là un beau succès. Dans l'Atoma, bon, on a 7 équipes comme l'an passé pour l'instant. On devrait probablement être bon pour se rendre au moins à 8. Fait que on parle de 44 équipes dans notre tournoi déjà là, de confirmer. Puis écoute, l'année passée, on en avait avec le pré-novice compris, on en avait 39. Donc là, je parle même pas du pré-novice, puis on est déjà à 44 équipes. Fait que c'est déjà là, si, les autres pour, si. On est bien content. Puis en tout cas, il y a peut-être une catégorie où est-ce qu'on serait peut-être encore capable de monter de quelques équipes. Là, on a eu des téléphones, donc jusqu'à date, on est bien heureux du nombre de personnes qu'on a là pour le nombre d'équipes qu'on a pour la notre ronde de visite. C'est-tu plus facile recruter des équipes plus le calibre est bas que mettons à Bantam. Ben c'est surtout que dans les petites catégories comme je veux pas être péjoratif quand je dis petites là, mais dans les catégories comme novice, c'est que la différence, c'est que souvent ce qu'on fait, c'est que on veut pas jouer à 15. Okay. On veut pas jouer à 14. Puis dans les catégories plus vieilles, ben étant donné que les jeunes sont de moins en moins là, on joue à 14 par 15. C'est 14 et 15 étant quasiment notre nombre idéal. Fait que ce qui fait que on a beaucoup plus d'équipes novices, par exemple, qu'on peut avoir d'équipes Pee-Wee Bantam, parce que rendu Pee-Wee Bantam Midget, bon, on dirait 15, c'est des belles équipes. S'il y a des gens qui travaillent, puis s'il y a. Puis dans le novice, ben quand on arrive, par exemple, à 30 jeunes, bon, on dit on fera pas deux équipes de 15, on va en faire 3 de 10 pour que les jeunes jouent puis ils puissent s'amuser. Fait que c'est ça qui fait que. Pour des catégories comme, par exemple, le novice, ben il est beaucoup plus facile de remplir les tournois. Puis ça, si je prends Robert Val, c'est la même affaire avec le tournoi novice à Dolbeau. Ben oui. C'est la même affaire avec le tournoi à Metabitchouan. Puis tu vas parler aux gens qui sont dans l'atome, puis oui, puis c'est déjà... Ça commence à être plus dur dans l'atome, puis oui, parce que t'arrives dans l'état là, tu sais ça, on a moins d'équipes parce qu'on multiplie les... Le nombre de joueurs, on grandit notre nombre de joueurs. Puis je prends par exemple cette année, moi, dans le Pee-Wee 2C, Dolbeau m'a offert une place, mais je pouvais pas parce qu'on est à Montréal dans ce tournoi-là, mais Dolbeau nous a offert une place gratuite. Je prends Janvier Labbé dans le Pee-Wee 2C, ils nous ont offert une place gratuite pour aller au tournoi à Labbé. Donc c'est plus difficile dans les. Plus que le calibre monte, plus que des fois le nombre d'équipes est difficile à aller chercher. Puis de là, ben il y a certaines. Il y a certains organismes, il y a certains tournois, ben là, qui sont rendus en promotion. Puis si vous vous inscrivez, j'ai vu ça à Saint-Félicien dans le tournoi Pee-Wee Bantam. Si on s'inscrivait avant le 30 octobre, 30 novembre ou 30 octobre, on payait la moitié prix d'un prix régulier. Puis on en est rendu là. Parce qu'il manque d'équipes. Rendu à partir là, de Pee-Wee, ben il manque d'équipes. C'est de plus en plus difficile de boucler là, les tournois. OK. Mais je te dis ça parce qu'ici à Dolbeau, petit tournoi Bantam cette semaine, et pas beaucoup d'équipes. Oui. Ben, des équipes de Saint-Pélette, il y en a une de Robert-Val, je pense, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes. C'est difficile. C'est ça. C'est plus difficile. Puis le nombre d'équipes, ben on a notre nombre de jeunes qui jouent au hockey dans les catégories en venant Bantam, en tout cas, Bantam Midget, ben notre nombre diminue les jeunes. Les jeunes arrêtent de jouer souvent, donc là, ils font d'autres choses, le travail, l'école. Fait que on diminue notre nombre de joueurs potentiels, on diminue le nombre d'équipes parce qu'on met nos équipes à 15. Ben ça fait qu'au moment donné, on n'a pas assez d'équipes où on fait des tournois plus petits parce que c'est plus difficile là, de trouver le nombre idéal d'équipes qu'on voudrait avoir là, partout. Okay. Parlons maintenant justement du tournoi Bantam qui d'ailleurs, on a des reportages avec Nathalie Pierre-Luc Ménard, mais vous avez des équipes de Robert Val? Vous n'avez des équipes de Robert Val au tournoi, Hugo? On a Mastoyache qui est représenté par qui est donc le Bantam 2C, nous qui est là au tournoi de Mastassini. Dans le simple lettre, mes équipes, mon Bantam A n'est pas là. À ma souvenance, n'est pas allé au tournoi de Mastassini. Donc, c'est ça. Les gens commencent à choisir les tournois. Puis dans le simple lettre, maintenant, dans notre coin, t'as Saint-Félicien. Okay. Donc, Delbeau est pris un peu aussi. L'avantage, c'est sûr que c'est avant les fêtes, mais Delbeau compétitionne avec le tournoi beaucoup de Saint-Félicien, nous autres, qui est à côté. Puis après ça, ben souvent, les gens de notre coin aussi, puis tu le connais, je pense, il y a quand même un gros tournoi Bantam à Saint-Bruno. Mmh. Donc, quand les gens font... habituellement, les gens là dans la Robertval choisissent beaucoup le tournoi de Saint-Félicien, puis après ça, le tournoi de Saint-Bruno, là, pour... puis après ça, ben s'ils font un tournoi à l'extérieur, ça fait les trois tournois déjà là pour le... OK. Autre chose à ajouter, peut-être, en terminant? Autre chose à terminer, ben c'est toujours là en fin de semaine, nous autres, on termine, mais on s'occupe de nos petits pré-novices. Donc, cette année, une nouveauté. On instaure là, le principe de MAG 1 et MAG 2. Avant ça, on disait les équipes MAG 1 et MAG 2 mélangées ensemble. Puis cette année, ben, avec le nombre de jeunes qu'on était capable, en lien avec Saint-Félicien, donc on va être capable de créer des petites ligues MAG 1 tous les 5 ans, tout seul ensemble. Puis MAG 2, les 6 ans, tout seul ensemble. Donc c'est la première année là, qu'on va faire ça. Donc, on pense que de même, là, les jeunes MAG 1, même s'ils commencent, ben, à un moment donné, à quelque part, qu'on va en mettre 10 petits MAG 1 qui commencent à jouer, ben, il y en a un qui va toucher la rondelle puis il va se sauver avec pour essayer de compter un but. Donc, c'est une nouveauté, nous autres, là, cette année, là, de diviser les MAG 1 des MAG 2. Fait qu'on est bien contents de ça. OK. Donc, il y a combien d'inscriptions, c'est ça? C'est pas commencé encore, les inscriptions? Non, ben, nous autres, les inscriptions, les équipes sont faites. On a, avec Mastoyage combiné, on a été capable de faire 5 équipes de MAG, donc 3 dans le MAG 1, 30 jeunes qui sont de première année, des nouveaux inscrits. Puis on en a 22 qui sont des MAG deuxième année, donc c'est la deuxième année des 6 ans qui jouent. Donc jusqu'à date, là, à Robertval, les groupes de jeunes pré-novices, on a des chiffres intéressants. On espère que ces jeunes-là vont aimer assez ça pour monter après ça dans le novice puis dans la tombe pour avoir là, un peu plus de joueurs et être capable là, d'avoir un nombre d'équipes intéressantes. Okay. Ben, Hugo Martin, on se reparle la semaine prochaine, même poste. Parfait. Le président du Hockey Mineur de Robertval, Hugo Martin.